Tous les milieux sud-coréens exaltent la Corée populaire qui remporte la victoire par l'esprit de se renforcer soi-même. Les presses sud-coréennes, notamment la revue Min et le journal d'internet Tongil News, indiquent que le Nord est devenu puissance politique, militaire, nucléaire, cosmique et des sciences et techniques grâce à la capacité de direction exceptionnelle du dirigeant suprême Kim Jong-un. Le commentateur politique Chang Yong-jun a dit que le Nord n'a jamais quémandé à autrui en dépit des blocus durs des forces alliées impérialistes, mais au contraire, a manifesté au maximum l'esprit révolutionnaire de la confiance en soi, en changeant toujours l'impossible en réalité. Le chercheur de l'histoire littéraire Lee Kyung-jin, des experts économiques et autres habitants sud-coréens ont souligné que le territoire du Nord n'est pas grand, mais il se fait valoir par les idées du Juche, et il est devenu puissant par la politique indépendante, en manifestant dignement le haut prestige de l'État souverain et indépendant tout-puissant par l'économie indépendante et l'autodéfense nationale.